allez quitter moi sans raison. Malgré tout rêve, nous t'es bâti, avant nous détruit, à conseil sans mi. MDS, allons la peine, allons tristesse. Oh, oh chérie, c'est nostalgie qu'a braché qu'aime. Tout ça, c'est manque de confidence. J'en nous t'es enchaîné. à la belle Sainte Belle. Chéri, tout n'est vite pour moi. C'est moi qui connais ça. Sourire, à la belle.